Chapitre 5 Du jeu, de l'avarice, de l'ivresse, etc. Après ce sentiment malheureux et sublime qui fait dépendre d'un seul objet le destin de notre vie, je vais parler d'une sorte de passion qui soumet l'homme au joug des sensations égoïstes. Ces passions ne doivent point être rangées dans la classe des ressources qu'on trouve en soi, car rien n'est plus opposé aux plaisirs qui naissent de l'empire sur soi-même que l'asservissement à ses désirs personnels. Dans cette situation, toutefois, si l'on dépend de la fortune, on n'attend rien de l'opinion, de la volonté, des sentiments des hommes. Et sous ce rapport, comme on a plus de liberté, on devrait obtenir plus de bonheur. Néanmoins, ces penchants avilissants ne valent aucune véritable jouissance. Ils livrent à un instinct grossier, et cependant exposent aux mêmes chances que des désirs plus relevés. L'on peut trouver dans ces passions honteuses la trace des affections morales dégénérées en impulsions physiques. Il y a dans les libertins, dans ceux qui s'enivrent, dans les joueurs, dans les avares, les deux espèces de mouvements qui font les ambitieux en tout genre, le besoin d'émotion et la personnalité. Mais dans les passions morales, on ne peut être ému que par les sentiments de l'âme, et ce qu'on a d'égoïsme n'est satisfait que par le rapport des autres avec soi. Tandis que le seul avantage de ces passions physiques, c'est l'agitation qui suspend le sentiment et la pensée. Elle donne une sorte de personnalité matérielle, qui part de soi pour revenir à soi, et fait triompher ce qu'il y a d'animal dans l'homme sur le reste de sa nature. Examinons cependant, malgré le dégoût qu'un tel sujet inspire, les deux principes de ces passions, le besoin d'émotion et l'égoïsme. Le premier produit l'amour du jeu, et le second l'avarice. Quoi qu'on puisse supposer qu'il faut aimer l'argent pour aimer le jeu, ce n'est point là la source de ce penchant effréné. La cause élémentaire, la jouissance unique, peut-être de toutes les passions, c'est le besoin et le plaisir de l'émotion. On ne trouve de bon dans la vie que ce qui la fait oublier. Et si l'émotion pouvait être un état durable, bien peu de philosophes se refuseraient à convenir qu'elle serait le souverain bien. Il est, et je tâcherai de le prouver dans la troisième partie de cet ouvrage, il est des distractions utiles et constantes pour l'homme qui sait se dominer. Mais la foule des êtres passionnés, qui veulent échapper à leur ennemi commun, la sensation douloureuse de la vie, se précipite dans une ivresse qui, confondant les objets, fait disparaître la réalité de tout. Dans un moment d'émotion, il n'y a plus de jugement, il n'y a que de l'espérance et de la crainte. On éprouve quelque chose du plaisir des rêves, les limites s'effacent, l'extraordinaire paraît possible, et les bornes ou les chaînes de ce qui est et de ce qui sera s'éloignent ou se soulèvent à vos yeux. Dans le tumulte et la succession rapide des sensations qui s'emparent d'une âme violemment émue, le danger, même sans but, est un plaisir pendant la durée de l'action. Sans doute, c'est un sentiment très pénible que craindre à l'avance le péril qui menace. C'est de la souffrance dans le calme. Mais l'instant de la décision, mais le jeu, quelque cher qu'il soit dans le moment où il se hasarde, est une espèce de jouissance, c'est-à-dire d'étourdissement. Cet état devient quelquefois tellement nécessaire à ceux qui l'ont éprouvé qu'on voit des marins traverser de nouveau les mers seulement pour ressentir l'émotion des dangers auxquels ils ont échappé. Le grand jeu de la gloire est difficile à préparer. Un tapis vert, des dés y suppléent. L'agitation de l'âme est un besoin trompeur auquel la plupart des hommes se livrent sans penser à ce qui succède à cette agitation. Ils hasardent la fortune qui les fait vivre. Ils se précipitent dans les batailles où la mort, ou plus encore les souffrances, les menacent pour retrouver ce mouvement qui les sépare des souvenirs et de la prévoyance, donne à l'existence quelque chose d'instantané, fait vivre et cesser de réfléchir. Quel triste cachet de la destinée humaine, quelle irrécusable preuve de malheur que ce besoin d'éviter le cours naturel de la vie, d'énivrer les facultés qui servent à la juger. Le monde est agité par l'inquiétude de chaque homme, et ces armées innombrables qui couvrent la surface de la terre sont l'invention cruelle des soldats, des officiers, des rois, pour chercher dans la destinée quelque chose que la nature n'y a point mis, ou tout au moins pour obtenir cette interruption momentanée de la durée successive des idées habituelles, cette émotion qui soulage du poids de la vie. Mais, indépendamment de tout, ce qu'il faut hasarder et perdre pour se mettre dans une situation qui vous procure de telles sortes de jouissances, il n'existe rien de plus pénible que l'instant qui succède à l'émotion. Le vide qu'elle laisse après elle est un plus grand malheur que la privation même de l'objet dont l'attente vous agitait. Ce qu'il y a de plus difficile à supporter pour un joueur, ce n'est pas d'avoir perdu, mais de cesser de jouer. Les mots qui servent aux autres patients sont très souvent empruntés de celle-là, parce qu'elle est une image matérielle de tous les sentiments qui s'appliquent à de plus grandes circonstances. Ainsi, l'amour du jeu est à comprendre l'amour de la gloire, et l'amour de la gloire, à son tour, explique l'amour du jeu. Tout ce qui établit des analogies, des ressemblances, est un garant de plus de la vérité du système. Si l'on parvenait à rallier la nature morale à la nature physique, l'univers entier à une seule pensée, on aurait presque dérobé le secret de la divinité. La plupart des hommes cherchent donc à trouver le bonheur dans l'émotion, c'est-à-dire dans une sensation rapide qui gâte un long avenir. D'autres se livrent par calcul et surtout par caractère à la personnalité, mécontents de leur relation avec les autres. Ils croient avoir trouvé un secret sûr pour être heureux, en se consacrant à eux-mêmes, et ils ne savent pas que ce n'est pas seulement de la nature du joug, mais de la dépendance en elle-même que naît le malheur de l'homme. L'avarice est de tous les penchants celui qui fait le mieux ressortir la personnalité. Aimer l'argent pour arriver à tel ou tel but, c'est le regarder comme un moyen et non comme l'objet. Mais il est une espèce d'homme qui, considérant en général la fortune comme une manière d'acquérir des jouissances, ne veulent cependant en goûter aucune. Les plaisirs, quels qu'ils soient, vous associent aux autres, tandis que la possibilité de les obtenir est en soi seule, et l'on dissipe quelque chose de son égoïsme en le satisfaisant au dehors. L'avenir inquiète tellement les avares qu'ils aiment à sacrifier le présent comme pourrait le faire la vertu la plus relevée. La personnalité de tels hommes va si loin que l'avare finit par immoler lui à lui-même. Il s'aime tant de main qu'il se prive de tout chaque jour pour embellir le jour suivant. Et comme tous les sentiments qui ont le caractère de la passion dévorent jusqu'à l'objet même qu'ils chérissent, l'égoïsme devient destructeur du bien-être qu'il veut conserver, et l'avarice interdit tous les avantages que l'argent pourrait valoir. Je ne m'arrêterai point à parler des malheurs causés par l'avarice. On ne voit point de gradation ni de nuance dans cette singulière passion. Tout y paraît également douloureux et vil. Comment avoir l'idée de cette fureur de personnalité? Quel but que soit pour sa propre vie? Quel homme peut se choisir pour l'objet de sa pensée sans admettre d'intermédiaire entre sa passion et lui-même? Il y a tant d'incertitudes dans ce qu'on désire, de dégoût dans ce qu'on éprouve, qu'on ne peut concevoir comment on aurait le courage d'agir, si ses actions retournant à ses sensations et ses sensations à ses actions, on savait si positivement le prix de ce qu'on fait, la récompense de ses efforts. Comment exister sans être utile et se donner la peine de vivre quand personne ne s'affligerait de nous voir mourir? Si l'avare, si l'égoïste sont incapables de ces retours sensibles, il est un malheur particulier à de tels caractères, auxquels ils ne peuvent jamais échapper. Ils craignent la mort comme s'ils avaient su jouir de la vie. Après avoir sacrifié leurs jours présents à leurs jours à venir, ils éprouvent une sorte de rage en voyant s'approcher le terme de l'existence. Les affections du cœur augmentent le prix de la vie en diminuant l'amertume de la mort. Tout ce qui est aride fait mal vivre et mal mourir. Enfin, les passions personnelles sont de l'esclavage autant que celles qui mettent dans la dépendance des autres. Elles rendent également impossible l'empire sur soi-même. Et c'est dans le libre et constant exercice de cette puissance qu'est le repos et ce qu'il y a de bonheur. Les passions qui dégradent l'homme en resserrant son égoïsme dans ses sensations ne produisent pas sans doute ces bouleversements de l'âme, où l'homme éprouve toutes les douleurs que ses facultés lui permettent de ressentir. Mais il ne reste aux peines causées par des penchants méprisables aucun genre de consolation. Le dégoût qu'elles inspirent aux autres passent jusqu'à celui qui les éprouve. Il n'y a rien de plus amer dans l'adversité que de ne pas pouvoir s'intéresser à soi. L'on est malheureux sans trouver même de l'attendrissement dans son âme. Il y a quelque chose de desséché dans tout votre être, un sentiment d'isolement si profond qu'aucune idée ne peut se joindre à l'impression de la douleur. Il n'y a rien dans le passé, il n'y a rien dans l'avenir, il n'y a rien autour de soi. On souffre à sa place, mais sans pouvoir s'aider de sa pensée, sans oser méditer sur les différentes causes de son infortune, sans se relever par de grands souvenirs où la douleur puisse s'attacher.